Chapitre 15. Il y avait un gendarme qui faisait les 100 pas devant le bureau de poste. Il y en avait un à chaque bout de la rue. Joséphine a dû prendre ses précautions. Critin n'était pas content. Critin était de mauvaise humeur et inquiet. Il avait dit à Joséphine, la voyant sortir ce soir-là, « Où est-ce que vous allez ?» Elle lui avait répondu d'un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas le lui dire devant le monde. Il n'a pas insisté. Elle est sortie de la salle à boire, puis monte quatre à quatre les deux rampes d'escalier qui mènent à sa chambre. Là, elle voit que sa valise est trop lourde, qu'elle sera gênante. Elle se dit tant pis. Elle l'ouvre, en tire une jupe, un corsage, une chemise et roule le tout, ce qui a fait un paquet rond qui peut se porter sous le bras. Si on me demande où je vais, je dirai que je vais porter du linge à une amie, ou bien je laisserai tomber le paquet avant qu'on l'ait vu. On entend parler dans la salle à boire. Elle a pu pourtant descendre l'escalier sans attirer l'attention. Elle est arrivée dans le jardin. Elle a fait comme si elle allait étendre du linge, descendant peu à peu vers le mur qui est dans le bas, en même temps qu'elle déroule d'un arbre à l'autre le cordeau. Mais il ne semble pas que personne l'ait remarqué, étant séparée des gendarmes par toute la hauteur des maisons, de sorte qu'elle arrive au mur et maintenant elle est cachée par des buissons de groseilliers. Elle n'a eu qu'à enjamber le mur, la maçonnerie est ancienne, la maçonnerie est pleine de fissures et de trous, là où le mortier est tombé. Encore quelques pas alors, puis elle se dit « Adieu les gendarmes !» Elle aussi, elle connaît les chemins les plus secrets, elle les connaît tous, et ceux qui lui a dit, et ceux-là même qui ne lui a pas dit. Cette fois, elle arrivera par la gorge, elle lui fera la surprise, mais il faut qu'elle se dépêche, car les deux autres ouvertures pourraient bien être gardées s'ils les connaissent, les gendarmes, ou du moins surveillées de loin. J'entre par où on sortira. Il faudra bien qu'ils viennent cette fois. Elle rampe dans la broussaille, sur ce haut talus caillouteux qui tombe à pic vers la plaine. Elle a regardé encore d'en haut si la sortie du tunnel n'est peut-être pas gardée, avançant la tête prudemment entre les buissons. Elle est juste au-dessous d'elle, cette sortie, qui fait un trou noir dans la roche claire, et c'est par là que passe l'eau d'un canal d'irrigation, un bis, comme on les appelle, qui va rejoindre plus en amont, au fond de la gorge, le torrent. Elle voit que la sortie n'est pas gardée, et c'est bien ce qu'elle pensait. Ah, c'est qu'ils ne connaissent pas les passages comme lui ou comme moi, les gendarmes. C'est notre supériorité. Pendant qu'elle se laisse tomber de ressaut en ressaut à la pente, et maintenant Farinet sera bien forcé de me suivre. Elle arrive au bis. La nuit vient, il fait sombre, les étoiles paraissent dans le ciel. Tout à coup, elles ont disparu. C'était maintenant bien plus que la nuit pour elle, une nuit bien plus noire que la nuit la plus noire, où elle s'avance les yeux grands ouverts comme les aveugles, s'appuyant de la main à la paroi taillée. Heureusement qu'il y avait tout le long du bis un sentier qui sert dans les cas de réparation, un tunnel d'une cinquantaine de mètres, baissant la tête et toute penchée en avant, tellement il est bas. Mais la paroi fidèlement se continue à son côté, elle n'a qu'à la suivre en se serrant contre elle le plus possible, comme elle fait, tandis que l'eau sur son autre côté file tout droit, presque sans bruit, étant profonde, ayant une pente bien régulière. Ce qui a fait qu'enfin apparut devant elle une sorte de fenêtre cintrée, couleur de plomb, mais presque claire quand on la compare avec les ténèbres où elle est. C'est la sortie, c'est-à-dire que c'est l'entrée. C'est l'entrée de la haute gorge où, tout à coup, elle a été dans une demi-nuit grisâtre où les parois sont brun foncé, hautes, droites, parallèles. Et pour peu qu'elle lève la tête, elle retrouve là-haut les étoiles comme rangées à la file, à cause du peu de largeur du lieu où elles sont. Quand elle la baisse, son regard tombe, tombe encore, tombe toujours plus profond, vers quelque chose qu'on ne voit pas, qui chuchote et circule là. Elle voit maintenant très bien là-haut, en avant d'elle, la place où est l'ouverture de la grotte. Quelques sapins descendent jusqu'à l'entrée, pendant qu'un buisson pend devant, avec ses branches qui la masquent. Elle sait comment s'y prendre, parce qu'il lui a montré où elle doit quitter le bis, et comment de ressaut en ressaut on peut gagner le long de la paroi tout en s'élevant peu à peu. Ce qu'ils ne savent pas, eux, justement, ces hommes à uniforme, à képi, à galons de laine ou de métal. « Tour !» elle a appelé une première fois tout en montant, et on n'a rien répondu. mais elle voit tout à coup qu'il est là, à cause d'une faible lumière qui perce entre les branches. Ah, il est là, il n'est pas encore sorti, tout va bien. Elle appelle une seconde fois, elle appelle plus fort, pouvant maintenant s'y risquer. Elle pose son pied sur une saillie du roc, empoignant de la main une racine, son paquet sous l'autre bras. Elle se rapproche. Tôt, tôt. Elle a vu qu'on s'est avancé jusqu'à l'entrée de la grotte, grâce à une ombre qui se projette au milieu du rond de lumière qui est maintenant tout proche. Est-ce qu'il entend? Elle ne sait pas, elle continue d'appeler, puis voilà qu'elle dit « Ah, quelle chance! J'avais peur que tu ne sois déjà parti. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les billets. » Alors, on a entendu une voix qui dit « C'est toi qui es là ?» Elle a dit « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne le voyait toujours pas ou mal, étant sur le côté de l'ouverture de la grotte, elle s'est arrêtée. « Il te faut vite venir, Farinet. Dépêche-toi. » On entend qu'il est tranquille, et seulement un peu étonné parce qu'il a dit « Venir où ? Venir avec moi, on a juste le temps, ils vont arriver, ils sont partout. Qui ça ? Les gendarmes ? Ah !» Alors, il y a eu un silence où on a entendu grincer les clous des souliers de Joséphine, puis il a été devant elle pendant que le falot tempête montre qu'il est rasé et tout habillé en dimanche avec une chemise propre, un col, une cravate. Elle lui a dit « Tu t'es fait beau ? Où est-ce que tu vas ?» Alors elle a compris, et puis s'est mise à rire. « C'est que c'est fini tout ça, Farinet ? Ah, c'est vrai, tu ne sais pas !» Elle le regarde. « Tu ne sais pas, c'est vrai, tu ne sais rien. Eh bien voilà, on a volé la buraliste. Oui, on lui a pris ses billets. On les a remplacés par des pièces à toi. Et tu ne sais pas qui a fait le coup, Farinet ? Non, c'est vrai, tu ne sais rien. Tu vis dans ton trou. » Il ne trouve rien à répondre. « Tu ne sais pas ? Eh bien, c'est moi. » Alors elle baisse la voix. Farinet, tu disais qu'on n'avait pas d'argent. Farinet, c'est pour qu'on en ait, et du vrai, tu comprends? Elle l'appelle parce qu'il n'a pas l'air d'entendre. Farinet, et Farinet, à présent j'ai les billets. Elle se touche la poitrine. Farinet, oui, 800 francs. Alors il a secoué la tête, et puis il a dit, tant pis. Pourquoi est-ce que tu dis tant pis? Il soupire, il a dit encore une fois, tant pis. « Oh, Farinet !» Et laissant choir son paquet, elle lui a pris le bras. « Tu viens ?» Il a dit « Non. » Alors elle a changé de ton. Elle a dit une deuxième fois « Est-ce que tu viens ? Non, tu ne veux pas ?» Elle dit une troisième fois « Tu ne veux pas ?» Chapitre 16. Avis. On ne pouvait encore lire que ce mot servant de titre. Il était écrit en belles rondes dans le haut d'une grande feuille de papier, toute couverte d'écriture, mais on ne pouvait pas encore lire. On ne pouvait lire que le titre, et le vieux Bruchet était venu et l'avait lu. Il ne dormait plus guère, étant trop vieux et tout travaillé par les rhumatismes. À peine avait-il fermé les yeux qu'il était réveillé par une douleur dans l'épaule ou dans la jambe ou dans la main ou dans le dos. C'est pourquoi il allumait sa lampe, mais il voyait qu'il n'était pas encore 3 heures. Alors il l'éteignait et puis la rallumait parce qu'il s'ennuyait au lit, et il était vite habillé car il ne se déshabillait plus guère. Il avait ouvert sa porte, il était 5 heures du matin, et tout le monde dormait encore, mais il voit, habitant en face de la grille d'affichage, il voit ce papier qui n'y était pas la veille. Il n'a eu qu'à traverser la rue en s'appuyant sur sa canne. Alors le jour est monté un petit peu parce qu'il vient ainsi par secousses, comme quand on lève la mèche d'une lampe. Et derrière le vieux grillage qui est devant la caisse de bois, laquelle est suspendue devant la maison de commune, on a vu le papier devenir plus blanc et les lettres plus noires. Par un éloignement l'une de l'autre de ces deux couleurs, il a lu « Avis ». À présent on voit, à côté du titre, l'écusson du valet avec son champ d'étoiles, pendant qu'aussi on voit, çà et là, dans la rue, pleine encore d'une poussière brune, des fenêtres s'éclairer. Il est appuyé sur sa canne. Il a le temps, avis. Et tiens, à cause d'une nouvelle poussée de lumière, et la mèche du jour a été encore levée un peu plus, notre gendarmerie étant sur les traces et à la poursuite de Farinet, condamné à 9 mois. Ah ! Alors on entend une clé qui tourne dans une serrure. On entend un bruit de pas sur des marches d'escalier. Mais lui, il continue sa lecture, lisant mot à mot, de réclusion pour fabrication de fausses monnaies, les autorités et citoyens sont sommés de prêter main-forte à nos agents chaque fois et partout où ils seront requis. Il entend qu'on lui demande « Qu'est-ce que c'est, père Bruchet ?» Il a dit « Venez voir. » Ils ont été deux dans le joli jour rose, lisant chacun de son côté. « Ah !» disait l'homme qui était venu, « Ah, eh bien, ils se sont dépêchés. » Lisant lui aussi, avis, voyant lui aussi l'écusson de l'étang avec ses 11 étoiles, puis « Nous ordonnons aux autorités communales de mettre sur pied jour et nuit, jusqu'à nouvel ordre, le personnel nécessaire pour garder les abords de leur commune et les ponts y aboutissant, avec ordre d'arrêter Farinet partout où on le trouvera et de le livrer à notre police. « Vous avez lu ?» Et l'homme montre la phrase du doigt, mais un autre, et puis quoi? Ils sont 5 ou 6 à présent, et cet autre, est-ce que vous ne savez pas qu'ils ont arrêté Crétin? Pas vrai? Oui, hier, dans la soirée, au moment où il fermait son café. Et encore qu'ils ont tout mis sans dessus-dessous dans la maison. C'est comme ça qu'ils ont trouvé son or. Pas possible! Ils parlent tous ensemble. Il n'y a que le vieux Bruchet qui se taise parce qu'il lit moins vite qu'eux, moins facilement. L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de résistance. Le gouvernement a décidé de traduire impitoyablement devant les tribunaux tout individu qui lui sera désigné pour avoir contrevenu à l'article 416 du Code pénal. Ceux qui ont recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir été condamnées à la réclusion seront punis d'un emprisonnement dont la durée pourra s'étendre à 6 mois ou d'une amende qui pourra s'élever à 300 francs. Hein, c'est sérieux? Et ça? Parce qu'il y a encore tout individu qui, par parole ou autrement, prend le parti de Farinet, soit dans les établissements publics, soit devant les agents de police ou dans toute autre circonstance, sera de même considéré comme étant en contravention audit article et traduit devant les tribunaux. Alors, voilà qu'ils ne se disent plus rien, regardant autour d'eux avec méfiance parce qu'on vient de tous côtés. Il y a des femmes, il y a des enfants, on a vu paraître aussi 2 gendarmes. Ils ont eu tout juste le temps de lire la dernière phrase qui était Le gouvernement a décidé d'élever à 300 francs la prime accordée à celui ou à ceux qui auront opéré l'arrestation de Farinet. De là-haut, dans la lunette, on n'avait vu d'abord qu'un rond blanc avec des poils gris, comme sur une moisissure. Il faut prendre soin, en faisant rentrer les tubes les uns dans les autres, d'accommoder d'abord la lunette à sa vue. « Ah, que vois-tu? Oh, disait Pierre, passe-la-moi. « Non, disait Félicien, c'est mon tour, tu auras le tien dans un moment. » Ils étaient les deux là-haut, c'est-à-dire à l'extrême bord du pâturage, au sommet des rochers qui tombent à pic dans la plaine. Le troupeau allait redescendre, même on venait de commencer les préparatifs du départ. Les tubes de cuivre bien fourbis brillaient au soleil qui venait de se lever. Une fois de plus, on avait au-dessous de soi toute la vallée pleine de brume qui montait comme d'une cuve où il y a de l'eau bouillante, une immense cuve ovale de forme et aussi profonde que large. Qu'est-ce que tu vois, Félicien? Attends! Une immense cuve sous eux, grande ouverte et toute béante, et eux sont couchés à plat ventre, l'un à côté de l'autre, dans le gazon frisé. Appuyés sur les coudes, Félicien faisait aller d'avant en arrière son bras droit, maintenant de l'autre main la lunette devant son œil. Pour s'assurer que la lunette était au point, il visait tantôt une chose, tantôt une autre. Il n'allait pas vite. « Dépêche-toi !» Mais voilà que Félicien tend la lunette à Pierre. « On ne voit rien. Tiens, c'est ton tour. » C'était à cause de ces vapeurs qui montaient, quelques-unes largement répandues en nappes sur les pentes, quelques-unes plus grises et plus transparentes, tendues à plat entre la plaine et vous, empêchant la vue de passer. « Ah, c'est ça !» disait Pierre. « Tu me la donnes parce qu'on ne voit rien. Et quand on se remettra à voir... » Mais, à ce même instant, un petit air de bise venant de derrière vous s'était mis à souffler, vous faisant frais aux oreilles. Puis, se laissant glisser à la pente, il a pris ses brumes par en dessous. Il a été comme un levier, ou bien comme quand, avec la pelle à fossoyer, on fait basculer une motte. On avait vu tout à coup les nuées passer devant vous à grande vitesse, de bas en haut, puis porter vers le sud, glisser par-dessus la chaîne. Alors, on pouvait voir déjà paraître au-dessous de soi, à l'œil nu, le village, bien dépoussiéré, comme quand on a nettoyé une chambre au plumeau, et le fond de la plaine, avec ses couleurs reparues, ses prévins, ses chaumes jaunâtres, ses petits bois, ses buissons, comme de l'herbe, les routes, comme des fils blancs, tandis qu'il y avait le Rhône, comme une autre route, plus grise, plus large, plus capricieuse, bordée de ses talus de sable, immobile, une autre route en mouvement. « Eh !» avait dit tout à coup Pierre, « j'en vois. Où ça ?»« Un !» disait Pierre. « Un, deux, trois, quatre !» Tenant sa lunette abaissée vers le levant du village, de l'autre côté de la gorge. Et puis, cinq, six, et encore deux. Oh, prête-la moi, s'il te plaît, un tout petit moment. Mais tu me la rends tout de suite, là, tu vois. Il faut que Félicien manœuvre de nouveau les tubes, puis, dans le rond du jour qui est au bout, il voit naître un morceau de chemin, entre un talus pierreux et un coin de vigne. Puis, sur le chemin, son nez, ses points noirs, pas beaucoup plus gros que des mouches, mais qui brillent, jetant par intermittence un feu blanc. C'est la visière d'un képi ou la batterie d'un fusil ou la poignée d'un yatagan. Et en effet, il y a huit gendarmes que Félicien compte à son tour. Et c'est au levant du village. Mais il y a encore la plaine plus au sud et de ce côté-là, la route qui vient du chef-lieu. Ils ont compté tous deux, l'un après l'autre. Là, ils sont dix gendarmes qui viennent deux par deux. Un peu en avant de Miège et au midi, sur la route plate et nue, et ainsi, pour finir, les deux troupes vont aborder le village de deux côtés, de manière à prendre position aux deux extrémités de la gorge. Et Pierre, bien sûr, ils vont passer le pont en Chaisa. Et Félicien. Et puis les autres, ils vont prendre par-dessous le village. C'est une manœuvre. Ah, le pauvre Farinet. Mais Pierre tout de suite a dit, « Ouah, jamais ils ne le prendront. Tu crois ? Jamais de la vie. Il est bien trop malin et bien trop leste. Je suis sûr qu'il va arriver chez nous comme l'autre fois. » C'est lui qui a de nouveau la lunette et il la promène au-dessous de lui, la tête avancée par-dessus le bord de la paroi, sous le beau ciel et dans le grand soleil. Mais il n'y a personne sur le chemin. Alors voilà que Pierre passe la lunette à Félicien. Puis il tire de sa poche son mouchoir qu'il dénoue et la pièce est dans le coin. Il l'a sortie au soleil où elle brille. Il a dit à Félicien, « Tu as la tienne ?» Félicien a fait signe de la tête qu'il l'avait. « Alors, a continué Pierre, sûrement s'il revient ici, qu'il nous en redonnera une. Tu ne crois pas ?» Mais il a été interrompu parce que Félicien lui a dit, « Regarde, qu'est-ce que c'est ?» Et là-bas, dans la plaine, en arrière des gendarmes, il montait trois petits points noirs, et deux brillent, mais celui du milieu ne brille pas. « Sais-tu ? » a dit Félicien, « c'est une femme. » « Une femme ?» Oui, on ne voit pas le jour par-dessous. C'était bien une femme, c'était Joséphine. Au milieu de la nuit, l'homme qui était de garde au poste de gendarmerie à Sion avait été réveillé en sursaut parce qu'il dormait les coudes sur la table. Il a levé difficilement la tête, ouvrant à demi ses yeux, encore tout brouillés de sommeil. Il se disait « qu'est-ce que c'est ?» Puis il s'est dit « on heurte ou quoi ?» Et on heurtait, en effet, et on a heurté de nouveau, plus fort, à la porte vitrée, devant laquelle pendait un rideau de toile grisâtre. Elle n'avait pas pu parler d'abord, tellement elle était essoufflée, ayant couru pendant plus de 2 heures, pendant que le gendarme lui demandait « qu'est-ce qu'il y a ?» Appuyée au chambranle de la porte, elle ouvrait seulement la bouche toute grande, et lui « voyons, qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle, alors, « venez vite !» Puis elle a dit « Farinet, venez, je vous montrerai. Venez vite, le chemin, les sorties. » Alors le poste de garde avait été alarmé, puis on avait été chercher le commandant qui l'avait interrogé. Puis le matin venu, on l'avait fait monter dans le premier train avec un des contingents. Tout à coup, elle s'était mise à parler, n'ayant rien dit depuis longtemps, pendant que les vignes à sa droite glissent lentement, les trains n'allant pas vite encore en ce temps-là, car il n'y avait pas très longtemps que la ligne était installée et le train s'arrêtait à toutes les stations. Elle était seule dans le compartiment avec le sergent et l'autre gendarme. Tout à coup, elle avait regardé le sergent et peut-être était-ce à cause qu'il était vieux, avec une moustache grise. « Monsieur, monsieur l'officier !» Assise à côté de lui, ayant levé la tête, et une vigne passe avec ses échalas qu'on voit entre les feuilles qui deviennent jaunes et les grappes qui brunissent. Oh, je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis même sûre que vous avez connu mon père parce que vous avez l'âge. Voilà ce qu'elle disait. Pélanda, disait-elle. Pélanda, Joseph. C'est pourquoi je m'appelle Joséphine. Il était maçon. On est italien, mais ça ne fait rien. On a le droit d'être italien. Il était venu tout petit garçon comme porte-mortier. Mais, disait-elle, qu'est-ce qu'on va lui faire à Farinet? Mon Dieu, monsieur l'officier. Le sergent ne répondait rien, hochant simplement la tête de temps en temps, comme pour faire voir qu'il écoutait quand même, et encouragée, elle parlait, elle continuait de parler. Vous savez, c'est l'habitude. Les ouvriers italiens engageaient un gamin comme porte-mortier. Il passait le Simplon ou le Grand Saint-Bernard dans la neige. Mon père me l'a souvent raconté. Mais vous devez l'avoir connu, monsieur l'officier, et ma mère aussi. C'est pour vous dire, parce qu'elle était du pays. C'était une Zufferaie. Et mon père n'est jamais retourné en Italie. C'est pour vous dire, jamais, jamais depuis l'âge de 13 ans jusqu'à sa mort. Le sergent a hoché la tête, le train siffle, puis le tonnerre s'éveille sous ses roues parce qu'on traverse le Rhône. On l'avait fait descendre du train. Elle marchait, tenue par un bras et tenue par l'autre. Elle s'était tue de nouveau. Elle marchait, et pour l'arrêter, on n'avait qu'à tirer sur ses menottes, qu'à tirer dessus dans l'autre sens si elle s'arrêtait. On l'a vue longtemps, avant qu'elle soit arrivée à Miège, des fenêtres des maisons. Elle a été signalée longtemps à l'avance, tout là-bas encore, dans la plaine, et les gens, pour mieux voir, étaient sortis du village, faisant des groupes le long du mur qui borde la route. Dans le haut des rochers, les deux garçons sont avec la longue-vue, et plus bas, devant chez Romayet, il y avait Romayet avec le maître qui avait passé lui dire bonjour. Alors voilà que Romayet disait « C'est triste tout ça, je n'y comprends rien. Il devait venir me donner la réponse hier soir, il me l'avait fait dire. » Romayet secouait la tête, il a repris « Et puis ça ne va pas par ici non plus. Je ne sais pas ce qu'a la petite. Elle a mauvaise mine, elle pleure. Elle n'a pas voulu se lever ce matin. » Et le maître lui avait dit « Est-ce que vous venez? Je voudrais aller voir ce qui se passe. » Romayet n'a pas voulu. Et pendant ce temps, elle venait, elle s'approchait de plus en plus. On se taisait autant qu'on pouvait à cause des 6 mois de prison dont la vie vous menaçait. On se le montrait d'un mouvement de tête. Il brillait à 7 heures tout blanc derrière sa grille rouillée. Avis, toute personne qui par parole ou autrement prend le parti de Farinet. Il brillait blanc à 7 heures tout blanc derrière sa grille rouillée, on se le montrait en passant, et elle approchait, elle et les deux gendarmes. On l'a vue qui venait, elle marchait entre les deux, ils allaient vite, ils allaient au pas, allongeant ensemble la jambe droite, la jambe gauche, n'ayant pas ralenti malgré la pente, leur allure, on l'a vue. On était debout à l'entrée de la rue, et elle venait aussi vite qu'eux, y étant obligée. Le sergent tenait de la main gauche le bout d'une des chaînettes, l'autre gendarme de la main droite le bout de l'autre, et ses mains à elle pendaient, mais ses mains étaient soulevées dès qu'elle ralentissait le pas. Rouge, couverte de poussière, le corsage à demi déboutonné, le cou nu, une de ses tresses dénouées, lui pendant le long de la joue, et tout à coup elle nous a vus. Alors elle a voulu s'arrêter, mais aussitôt elle a été tirée en avant. Oh, la Judas! C'était Fontana. La plupart des gens s'étaient d'ailleurs déjà éloignés de la rue par prudence, s'introduisant dans le couloir des maisons ou se dissimulant derrière une porte à demi fermée. Il n'est guère resté là que 2 ou 3 femmes et le vieux Bruchet avec sa canne. Le vieux Bruchet a craché à terre par 3 fois au moment où elle passait. Une femme se signe, une autre prend contre elle sa petite fille, lui cachant la figure sous son tablier. Elle passe. Elle ne disait rien, elle marchait la tête basse. Elle est arrivée devant le café de Critin qui était resté fermé. Elle n'a pas eu l'air de s'en apercevoir, elle n'a même pas levé la tête. Et on a pensé, où est-ce qu'on l'amène? Parce qu'elle avait traversé le village, qui est à vrai dire vite traversé. Et une fois le village traversé, elle ne s'était pas arrêtée. Il faut entendre que les gendarmes avaient continué leur chemin. Alors les gens ont recommencé à se montrer. Les gens sortent des maisons ou redescendent la ruelle. Ils se sont mis à suivre à distance. Oh, la salope, où est-ce qu'elle va? Mais ils ont été bientôt en situation de le savoir, étant arrivés au bout de la rue. Il y a là une vue étendue sur tout ce côté du village, jusqu'à la gorge et au-delà. Sur tout ce terrain non bâti et à demi cultivé, avec quelques vignes et points d'arbres, puis la maison de Farinet dans son jardin abandonné, et plus bas la tour en ruine, elle allait toujours entre les gendarmes. On a vu qu'un poste avait été établi à mi-chemin entre la maison de Farinet et la tour. On a vu que c'était là qu'elle était menée. Le commandant en personne, monsieur de Sépibus, venait à sa rencontre. Et c'est à ce moment qu'une voix s'était fait entendre. Hé, vous ne voyez pas? Sur la tour! Quelqu'un avait paru dans le haut de la tour. Ce quelqu'un s'est tourné vers nous. Il lève le bras. Ce bras tient un mouchoir blanc. Ce bras s'est alors agité vers nous, nous faisant signe. C'était lui, il nous disait adieu. Farinet nous a dit adieu trois fois. En même temps, elle s'était arrêtée. Allons, arrivez, disait le sergent. Et il tirait sur ses menottes, mais elle s'est rejetée en arrière, se débattant. C'est pas lui, disait-elle. On comprenait très bien ce qu'elle disait. La distance n'était pas très grande. C'est pas lui. C'est pas lui qui a volé, c'est moi. Non, je ne veux pas aller, c'est pas juste. Non, je ne vous montrerai pas. Puis on a senti la terre bouger sous vos pieds. Une colonne blanche, comme quand on souffle doucement la fumée d'une pipe par la bouche, s'est élevée à côté de la tour, d'où quelques pierres sont tombées, pendant que d'autres, plus petites, montaient directement en l'air. Ensuite, on a reçu la détonation comme un coup de poing dans la poitrine. C'était Farinet qui faisait sauter sa première mine. La seconde a sauté tout de suite après, faisant s'écrouler la maison, qui est mollement venue à terre comme un ballon qu'on dégonfle d'un coup d'épingle, et le toit qui était au-dessus des branches était maintenant au-dessous. Il nous a dit adieu à nous, mais d'abord il avait été lui dire adieu à elle. Comment il s'y était pris pour sortir de sa grotte cette nuit-là, après la visite de Joséphine, c'est ce qu'on n'a jamais su. Il avait réussi pourtant à en sortir. Ce n'était pas pour s'échapper. Il avait autre chose à faire. S'il avait voulu s'échapper, il l'aurait pu. Ce n'était pas son intention. Il est simplement sorti de son trou, puis y est rentré. Il a été dire adieu à Thérèse. Un long moment après le départ de Joséphine, il était resté assis près du falot tempête pendu au mur, ne bougeant pas, dans son beau costume du dimanche. Il secouait de temps en temps la tête sous son chapeau neuf. Il secouait sa tête et ses joues bien rasées. De nouveau, il ne s'est pas pressé. De nouveau, il avait le temps. Il faut voir d'abord que ce qu'on avait cru possible est impossible. Longtemps, il secoue comme ça la tête, puis la redresse, regardant fixement devant lui, dans la lumière douce et faible du falot qui fait dans l'air un rond brouillé comme la lune quand le mauvais temps va venir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose. Il voit que ça ne se peut pas. Il a pris son carnet dans sa poche, qui est un carnet recouvert d'une toile cirée, avec un élastique. Il écrit quelque chose sur une page blanche qu'il détache, puis plie en deux. Il n'a pas changé de costume. Ça n'est plus la peine. Il va tranquillement au falot qu'il prend dans sa main, puis s'avance en se baissant dans le couloir qui mène à l'échelle. Mais un peu avant le point où était l'échelle, on le voyait qui bifurquait. Et, sur votre droite, il y avait un second couloir où Farinet s'est engagé. Il était plus bas que l'autre, ce couloir, et moins bien entretenu. Mais Farinet n'a eu qu'à se baisser, l'épaule de côté, le cou tendu, allongeant le bras, tandis que la petite lumière tremblotait dans sa main comme une lampe de mineur, car l'autre issue devait être surveillée, si bien qu'il avait choisi celle-ci par prudence, à supposer qu'elle ne fût pas gardée, elle aussi, mais il n'avait qu'à s'en assurer. C'est ce qu'il a fait. Il s'était trouvé pour finir devant une vieille porte de bois à demi pourri qui fermait au moyen d'un loquet. Il écoute, on n'entend rien, il a tiré prudemment sur le loquet. On n'entendait toujours rien, il ouvre la porte. Alors il a semblé qu'il y en avait une seconde devant lui. Mais en y regardant de plus près, on voyait que c'était le derrière d'un tonneau poussé contre le mur qu'il n'a eu qu'à déplacer. Ensuite, il a écouté encore longuement. Il n'y avait personne. Il a compris que les gendarmes ne devaient pas être encore assez nombreux pour occuper tous les postes. Il fallait faire attention pourtant. Il fallait qu'il fît attention, un moment encore, de ne pas se faire prendre. Après quoi, il n'y aurait plus besoin de faire attention. Il n'a pas son fusil, mais un pistolet à 6 coups, nouveau modèle, qui est passé dans sa ceinture. Il gagne le grand air encore une fois, gagne une dernière fois la lumière des étoiles qui est comme une faible poussière autour de lui sur le dessus des feuilles pendant qu'il rampe sous les buissons, puis il est arrivé dans les vignes. Là, il s'est arrêté un moment. Il a vu passer une patrouille juste au-dessous de lui et elle se dirige vers la gorge, faisant une tache noire qui se découpe sur le bleu du terrain. Il n'a eu qu'à se tenir tranquille un petit moment. Il peut recommencer à penser. Ça vaut mieux ainsi, se dit-il, ça vaut mieux pour toutes les deux. Il pense à l'une, il pense à l'autre. Je les aurais fait souffrir inutilement, car c'est une bonne fille, Joséphine. Je ne lui en veux pas. C'est une bonne fille, un peu jalouse, mais bien dévouée. Il s'était remis en marche, et si Romayet avait consenti, non, se dit-il encore, je n'en avais pas le droit. Thérèse ne sait pas ce que c'est que la vie. Je suis né dans le sauvage. Je vais mourir dans le sauvage. Il voit qu'il n'est plus maintenant qu'à quelques pas de la maison de Romayet. Tout est tranquille, rien ne le presse, et encore une fois, il s'est assis, au bon air, dans l'herbe mouillée, derrière un buisson. Ça vaut mieux ainsi. Je ne me rendrai pas, et ils ne mourront pas vivants. Voilà où est la vérité, se dit-il. Voilà ce que je vais faire, regardant encore une fois tout autour de lui. Sous le ciel noir, les montagnes étaient vaguement blanches. Elles étaient suspendues dans les airs comme une légère dentelle, flottant à mi-hauteur du ciel à cause de leur base plus sombre qui se confondait avec l'obscurité. Je ne me rends pas. Je reste libre, comme vous, jusqu'au bout. Il parle aux montagnes, de bise et de vent, côté Vaudère, côté Joran, au nord, au sud, à droite, à gauche, de nouveau toutes là, comme il voit, les Italiennes, les Allemandes, et celles qui sont nommées en notre douce langue, la pointe à pierre, la Bécanera, dans la langue de chez nous. Alors, jusqu'au bout avec vous, il parle aux montagnes. Voilà la vérité. Tel que vous m'avez fait jusqu'à la fin. C'est ce qu'il dit. Ils ont cru qu'ils mourraient de nouveau dans leur galère. Ils ne mourront pas, ça vaut mieux. Alors adieu, Thérèse, parce que je suis venue te dire adieu. Adieu, vous, les montagnes. Et puis, je te dirai adieu à toi aussi, petite, mais pas tout de suite. Il sent ses mains qui se mouillent dans l'herbe, et c'est bon. Et donc adieu d'abord, vous, les montagnes, les connues et les pas connues. Les Italiennes, le Monteleone, tout là-bas, et puis vous, les Allemandes. Suivant des yeux les pointes de cette dentelle finement grise, vaguement bleue, par places, comme quand on a passé le linge au bleu, le cervin, la dent d'airain, la dent blanche, le grand cormier, celles qu'on nomme avec un nom trouvé dans le ventre de sa mère, les douces, les bonnes, les maternelles, celles qu'on connaît bien, le colon, le pigne d'Arol, la ruinette, encore une fois, le Combin, le Vélan, les Jorasses, le Mont-Dolent. Alors, là, il y a une vallée dont le pli se voit dans la chaîne, tellement il est bien marqué, une profonde, une longue vallée. Et dans le bout, c'est comme une poche à cristaux là-bas, tellement toutes ces aiguilles y sont serrées, la verte, la rouge, celle d'Argentière, celle du Dru, celle du Tour. Et c'est chez nous, il dit, c'est chez nous. Il dit, adieu, c'est là le lieu de son village. Alors, il y a fait retour encore une fois en pensée pour un petit moment. C'est là le lieu du haut passage avec les chiens, avec les religieux, avec un petit lac. Eh, adieu. Avec au bord du lac les flaques de neige toute l'année, avec la haute maison grise à toile de tôle. Mais fidèle à vous jusqu'au bout, pense-t-il. Alors, adieu. Et dans une petite maison sans fenêtre, les morts sont rangés debout ou bien assis contre le mur dans leurs habits, et il y en avait un qui tient sa tête sur ses genoux. Fidèles à vous jusqu'au bout, montagne et à la liberté. Parce qu'il continue. Alors, la tour s'aillère, et les dents du Midi, et d'autres cimes qui sont plus en arrière, en Savoie ou en Dauphiné. Alors adieu, toute la terre, adieu, les pays de la terre. Pendant qu'il les regarde tous, encore une fois, et le ciel est noir, les étoiles blanches, et rien ne bouge autour de lui. C'est le moment. Il voit que c'est le moment. Il ôte ses souliers. Il se lève, il a fait tout doucement, s'assurant de la main que son pistolet est toujours passé dans sa ceinture, et ne point faire de bruit, pense-t-il. Qu'elle ne m'entende pas si elle dort, qu'elle ne m'entende même pas si elle est réveillée. Je suis seulement venu lui dire adieu. Il cherche un endroit où passer entre les buissons, de manière à ne faire aucun bruit. Il sort de sa poche son carnet, il en tire la feuille déchirée qu'il a pliée en deux, puis se baissant, il fait choix d'une grosse pierre. Tenant sa pierre et la feuille d'une main et de l'autre, il se tient à la barrière, car il n'a pas voulu pousser le portail, craignant de le faire crier. Il a enjambé la barrière, il voit que les contrevents du premier étage sont étroitement fermés, il voit que ceux de la chambre au-dessus sont au contraire à demi rapprochés seulement, et c'est la sienne. Il n'a point fait de bruit, ayant d'abord monté quelques marches, puis, se collant au mur, le pied posé sur la corniche, il se penche, il pose le papier sur le rebord de la fenêtre et la pierre sur le papier. J'ai seulement voulu vous dire adieu. Il est alors redescendu du mur et n'a fait aucun bruit. Elle n'aura rien entendu.